regarder, garder la poésie, savoir la prendre par la main. Il faut garder, garder la fantaisie quand elle croise nos chemins. Il faut garder, garder aux amourettes le charme étrange de l'amour. Mais pour garder l'amour, il faut, c'est bête, garder aussi le cœur bien lourd. Il faut garder, garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. Il faut garder, garder un air de dire je suis heureux, viens avec moi. Il faut toujours garder dans notre vie tous les bonheurs qui nous ont plu. Et puis enfin garder la nostalgie du temps qui ne reviendra plus. Il faut toujours garder dans notre vie tous les bonheurs qui nous ont plu. Et puis enfin garder la poésie quand c'est elle que l'on aime le plus.